Bonjour et bienvenue sur votre émission mensuelle Historia Nancy, le journal par et pour les étudiants de Nancy. L'actualité, la culture, ensemble, nous vulgarisons l'histoire pour la rendre accessible à tous. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue en ce plein mois d'août. Bienvenue à vous, très chers auditeurs, et bienvenue à mon acolyte préféré, Elio. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août. Aujourd'hui, on est avec Anaïs Henry et Louis. Bonjour. Comment ça va les amis? Ça va super, et toi? Vous êtes synchro? Et vous? Vous êtes synchro. Et oui. Eh ben, on va super bien, parce que du coup, on est en co-animation et c'est génial. Ah oui, on s'amuse bien. Et oui, ça va super, bah, il fait chaud. On a bien profité de l'été, c'était la fête finalement. C'est la vie. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois d'août. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, et en plus de ça, la rentrée approche. Triste. On n'y pense pas. Dans un mois encore. Normalement, pas de rentrée pour moi. Mais bon, la vie étudiante, c'est bien. Oui. Une musique de Dr. Yoro avec Minimum ça. Ah, c'est bon. Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Tazo, 10 sur 10 c'est la notation. Allez, Pina Cotazo, j'suis numéro 1 sans prétention. Chérie, en vrai, j'ai reçu les contrats, donc je négocie, t'inquiète, j'ai les contacts pour changer. J'n'ai pas de compte à rendre, j'agis comme si j'avais 2-3 comptes en Suisse. J'suis pas mauvais. Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5, mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Pina Cotazo, 10 sur 10 c'est la notation. Allez, Pina Cotazo, j'suis numéro 1 sans prétention. Justice de Dieu, y'en a. Tu peux laisser tomber pour ma rage. J'ai dit justice de Dieu, y'en a. Repos bien mérité pour moi. J'suis pas mauvais. Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5, mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Cette musique nous envoie en l'air. Elle nous ambiance. Ça nous fait ambiance. Bien été. Et oui. C'est sa peps, comme on dit dans le milieu. On va continuer avec une chronique. Je commence cette fois-ci. Je vais vous parler des bons plans de la région Grand Est. Ah. Est-ce que vous savez ce qu'il y a à faire dans cette région? Oh, il y a un tas de choses. Moi, je m'ennuie jamais ici. Je suis heureuse d'être lorraine. Non, mais c'est vrai que... On a des beaux paysages, on a quand même les Vosges, c'est magnifique. On a l'Alsace aussi qui est dans le Grand Est, même si des fois il y a des petits conflits hein, avec les Alsaciens. Mais paysage magnifique. Et puis on a Nancy. Nancy, enfin. Avec la Nancy Lorraine, hein, oui. Effectivement, la Nancy Lorraine, bien sûr. Capitale de la Lorraine. Les Ducs de Lorraine. Qui jouent actuellement ses matchs amicaux face à Strasbourg, etc. Épinal aussi. Eh bien, les cours sont finis. Le soleil est là, la canicule est encore là. On n'a pas besoin de partir bien loin. On commence avec la colline de Sion. Et la colline de Sion, ça vous parle? Oui. Oui. J'y allais quand j'étais petit pour les étoiles, c'est incroyable. Pareil, oh, c'est trop mignon. J'allais aller, mais j'aimerais beaucoup. Et bah, c'est un spot parfait pour des soirées guitare, des apéros entre amis, barbecue entre potes. La vue est dingue et magnifique, l'ambiance chill, c'est totalement gratuit. 36 minutes en voiture de Nancy à la colline de Sion. Et il y a des étoiles, comme Louis l'a dit, Les étoiles, en fait, ce sont... Parce qu'en fait, avant, il faut savoir qu'il y avait la mer qui s'arrêtait au niveau de la colline de Sion. C'est fou. Et les étoiles, ce sont des fossiles. C'est tout ce qui reste de la mer, en fait, de l'époque. Exactement. Alors, pensez aussi au lac de la Madine, en Moselle. Le lac de la Madine, avec sa baignade surveillée, location de pédalo, coin pique-nique, et même des concerts d'été. Tout ça à petit prix, bien sûr. On peut même manger une bonne glace. Il n'y a rien de meilleur que la glace en été. Si tu viens juste pour te poser au bord de l'eau, c'est aussi une bonne façon de profiter pleinement d'un été inoubliable. Côté fraîcheur, t'as aussi le lac de Pierre Percé. Dans les Vosges, tiens, tu parlais des Vosges, Anaïs. Ils sont nommés le Petit Canada de Lorraine. Ok, oui, j'en ai entendu parler. Mes parents y vont souvent, ils adorent, donc c'est sympa. Allez-y. C'est paisible, beau et parfait pour une baignade sauvage entre amis, bien sûr. À Metz, le plan d'eau est aussi un bon spot pour bronzer, chiller et se retrouver. Tyrolienne et Acrobranche sont aussi synonymes d'activités estivales. On aime beaucoup faire des tyroliennes ou des acrobranches l'été. Notamment à Pierre-Percé, il y a une tyrolienne qui traverse tout le tour du lac. C'est très sympa. Et à Nancy, on a la place des Deux Rives. La place des Deux Rives aussi, c'est parfait pour pique-niquer. Incroyable. Alors, je pense aussi aux rencontres et aux soirées. Et pour les rencontres et les soirées, cap sur les terrasses de Nancy. Des bars du Vieux Tour à Metz. Des guinguettes au bord de l'eau à Diverdun. Diverdun aussi, c'est très chouette. Il y a une bonne guinguette, un bon resto. C'est des bons petits coins pour se poser au bord de l'eau. Ou les soirées en plein air, organisées un peu partout dans la région. Et bien sûr, des concerts gratuits, des marchés nocturnes, des festivals locaux. Tout est là pour se sociabiliser. Bien s'informer sur les réseaux sociaux de la région, des communes aux alentours pour savoir un petit peu l'existence de ces événements. Envie de découverte ? Le verger conservatoire de la Connexie. La Connexie en Moselle regorge beaucoup de jardins, beaucoup de fruits, notamment de fruits de la région. C'est très sympa, allez faire un tour, hein, on peut le visiter. Est-ce que vous avez déjà été à la Connexie ? Ah, pas du tout, je connais pas, mais bon, on apprend tous les jours. Moi non plus, je ne connais pas. Et bah, c'est un verger qui est très sympa, avec une petite fontaine, et c'est un bon domaine. Les cascades aussi, et dans les Vosges, à Tendon. Incroyable, évidemment. Tendon. J'adore Tendon, c'est vraiment... Moi, je fais des randos souvent là-bas, je kiffe. Vraiment, c'est mon kiff. Et pour finir, il y en a plein d'autres, mais pour finir, on a le château de Fléville. Le fameux. Qui d'ailleurs organise souvent des sons et lumières. Très sympa et très monumental comme événement. Donc, beaucoup de balades sont accessibles gratuitement ou pour quelques euros. Si tu as la flemme de marcher, tu peux prendre le train, le TER à 1 euro. Certains jours d'été, bien sûr. C'est l'occasion de partir à l'aventure sans se ruiner. Alors, comme dirait le proverbe, hein, l'été, ce n'est pas une destination, c'est une ambiance. Et parfois, de meilleurs souvenirs, c'est se créer au coin d'un feu, autour d'un mojito maison ou d'un accord de guitare. Et alors, cet été, lève le pied, profite de la région, rencontre du monde et surtout, vis à fond, croque la vie à pleines dents. Le Grand Est n'a jamais été aussi cool. Voilà, donc bon mois d'août à tous. Et on va passer avec une musique. C'est Déconnecté de l'artiste feat DJ Amida. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fun et me barrer tout l'été. Pour moi je veux voir les visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée, on est tous là pour kiffer. J'me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. J'me suis déconnecté, je mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac. Au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mon bras, je suis sous le soleil et je me balade. J'efface mon passé maudit. J'ai mis les bagages dans l'audi. Je vis sous le ciel gris de Paris. Mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je suis déconnecté, je mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec pas parler. Autant ma tête est malade. Et aujourd'hui, faut que je me barre au soleil. Je peux partir d'ici, j'ai kiffé. Me rappelle pas, j'suis pas là. La la la la la la la. J'désaccuse mes cons, j'suis avec mes gars. J'suis sous le soleil et j'me balade. Me rappelle pas, j'suis pas là. La la la la la la la. J'désaccuse mes cons, j'suis avec. Eh bien, on est vraiment déconnectés. Je vois Louis, il rigole. Hein. Mais oui, on a plus de téléphone, on est au mois d'août. Ah oui, pendant l'été, oui, effectivement. On est déconnectés de la vie quotidienne qui est parfois pesante. Là, on se ressource. Allez, Louis, c'est à toi de nous dévoiler un fait sur le sport. Exactement. Quand on parle de football, on pense évidemment au but, au dribble, aux émotions, mais aussi, bien sûr, au trophée. Et certains, dans le monde du ballon rond, brillent plus que d'autres. Aujourd'hui, je vais vous faire un focus sur les récompenses les plus mythiques, les plus convoitées et les plus rares de la planète foot. Commençons évidemment par le graal absolu, la Coupe du Monde de la FIFA. Tous les 4 ans, 32 nations, bientôt 48, se disputent ce trophée doré qui fait rêver des milliards de personnes. Être champion du monde, c'est entrer dans l'histoire avec un grand H, avec Pelé, Maradona, Zidane, qui ont tous marqué cette compétition, devenue bien plus qu'un simple tournoi. Mais dans le football de club, la Ligue des Champions règne en maître. Créée en 1955, cette coupe réunit les meilleures équipes européennes, les hymnes, les soirées du mardi et du mercredi soir, les retournements de situation légendaires, gagner la C1, c'est marquer son époque. Comme le Real Madrid, qui en est le maître incontesté avec 15 sacres à son actif. Et puis il y a des trophées, encore plus rares, moins connus du grand public, presque mystiques. Le Super Ballon d'Or par exemple. Une distinction unique, décernée une seule fois dans l'histoire, en 1989 à un certain Alfredo Di Stefano. Ce prix récompense non pas une saison, mais toute une carrière d'exception. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent, est-ce que Messi ou Ronaldo y auront droit un jour? Enfin, pour finir, parlons d'une édition tout aussi unique, la Copa América Centenario, surnommée parfois Golden Copa América. Disputée une seule fois en 2016, cette édition spéciale organisée aux États-Unis pour les 100 ans de la compétition a réuni pour la première fois 16 nations venues à la fois de la CONMEBOL et de la CONCACAF. Un trophée doré, offrant une finale électrique entre le Chili et l'Argentine, remportée par les Chiliens. Un moment à part dans l'histoire du football continental. Alors oui, des coupes, il y en a partout. Mais certaines sont des reliques, des symboles, des rêves d'enfants devenus réalité. Qu'ils soient dorés, argentés ou même en cristal, ces trophées-là racontent bien plus qu'un match. Ils racontent des vies et des carrières entières. J'ai collé deux mots ensemble, ça m'a fait bugger. A breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes. blew out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. Cette émission Historia pour la chronique d'Anaïs qui va nous parler du festival de Woodstock, si je ne me trompe pas. Exactement, en ce moment je suis grave dans le mood festival. Je vous ai parlé du JDM il y a 2 mois, donc qu'on adore, hein, le petit festival du coin qu'on aime tellement. Mais là j'ai voulu évoquer le boss du festival, c'est vraiment le boss final, Woodstock. Donc du 15 au 18 août 1969, le petit village de Bethel, dans l'état de New York, a accueilli l'un des événements musicaux les plus mythiques et emblématiques du XXe siècle. Plus qu'un simple concert, ce rassemblement monumental a cristallisé l'esprit d'une génération entière, marqué par la révolte, la quête de paix et un profond désir de changement social. À l'origine, Woodstock devait être un festival de taille modeste, avec une jauge d'environ 50 000 spectateurs seulement, et il était organisé par 4 jeunes entrepreneurs, donc Michael Lang, John Roberts, Joel Rosenman et Artie Kornfeld. Le projet a rapidement dépassé toutes les prévisions. En effet, près de 500 000 personnes ont convergé vers le site, créant une foule immense et imprévue, qui a provoqué des embouteillages monstres et des conditions parfois difficiles, notamment en raison de la pluie qui s'est déclarée. Mais loin d'être un chaos, l'événement s'est déroulé dans une ambiance pacifique et fraternelle. Les festivaliers ont partagé nourriture, abri et sourire, incarnant à merveille les idéaux hippies de Peace and Love, paix et amour. Je vous traduis quand même le truc, même si vous savez. Contrairement au Woodstock de 1999, qui a vraiment été catastrophique, hein, vous pourrez aller voir de vous-même si vous voulez. Woodstock 69, il a rassemblé sur une même scène des légendes de la musique rock, folk et blues, qui définissait alors la culture musicale émergente. Parmi les artistes qui ont marqué les esprits figurent Jimi Hendrix, le grand Jimi Hendrix, dont la performance électrique et l'interprétation de l'hymne américain sont devenues iconiques. Donc Janis Joplin aussi, avec sa voix puissante et son énergie brute. The Who, Santana, Crosby, Stills, Nash & Young et Joe Cocker, évidemment. Ces 3 jours ont été une vitrine sans précédent de la créativité et de la diversité musicale. Ce festival a aussi été un tremplin pour certains artistes, tout en étant un point d'orgue dans la carrière d'autres. Les performances ont été filmées et enregistrées, donnant lieu à un film documentaire et à un double album live qui ont contribué à diffuser l'événement bien au-delà des frontières américaines. Donc c'est devenu connu partout dans le monde en fait. Et plus qu'un événement musical, Woodstock est devenu le symbole de la contre-culture des années 60, une époque marquée, on le sait malheureusement, par la guerre du Vietnam, les luttes pour les droits civiques et une jeunesse contestataire. Le festival a incarné un idéal, la révolte contre l'ordre établi, le rejet de la violence et de la guerre et l'espoir d'un monde meilleur fondé sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Le terme hippie s'est popularisé grâce à ce festival et les mouvements pacifistes et écologiques également. Il a aussi lancé l'idée que la musique est un vecteur de changement social. Cinquantenaire passé, le festival Woodstock il reste un mythe vivant. Il a inspiré d'innombrables festivals dans le monde entier, comme Coachella et notre cher JDM, qui perpétue cette tradition de musique en plein air, d'engagement social et d'expression libre. Son influence dépasse la musique, touchant la mode, le cinéma, la politique et la culture populaire en général. Woodstock est désormais un symbole intemporel d'une époque où la musique a rencontré l'histoire et où des centaines de milliers de jeunes ont fait entendre leur voix. Pour rester dans l'esprit de Woodstock et cette ambiance un peu hippie, nous allons écouter California Dreamin' de The Mamas and the Papas, datant de 1965. Safe and more. après cette magnifique chronique d'Anaïs, je vais maintenant vous parler de tennis, une rétrospective du tournoi Porte d'Auteuil. Je parle bien évidemment de Roland-Garros. Roland-Garros, ce tournoi mythique qui a vu les plus grands joueurs s'imposer, dont un qui a inscrit sa légende, et je vais vous parler en partie de lui, c'est Rafael Nadal, vainqueur en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Il est espagnol, c'est Rafael Nadal. Il lui a été rendu un vibrant hommage, lui a été rendu sur son cours, le cours Philippe Châtrier, avec plein d'émotions. Rafa a parlé pendant plus de 10 minutes au public, a fait un magnifique discours vibrant, a touché quelques mots de français, ce qui a fait plaisir au public parisien. Et après son magnifique discours, c'est le Big Four qui est venu se réunir avec Novak Djokovic, Andy Murray et Roger Federer, la classe incarnée, qui sont venus le saluer et qui sont venus prendre quelques photos pour rendre hommage à ces grands noms du tennis, car sans Roger, Rafa et Andy Novak, Rafa n'aurait peut-être pas été le même, car ils le disent eux-mêmes, ils se sont poussés vers le haut et ces joueurs comptabilisent à eux seuls 69 tournois du Grand Chelem. C'est tout à fait extraordinaire. Après ce passage du Big Four, nous avons eu le droit peut-être à l'instant le plus émouvant de cette cérémonie d'hommage, avec le dévoilement d'une marque Rafa Nadal avec son pied et écrit Rafa Nadal sur le cours Philippe Châtrier. Un moment tout simplement dingue fait par le tournoi, c'est vraiment magnifique et à la hauteur de sa légende. Rafael Nadal, c'est 14 fois vainqueur Porte d'Auteuil et surtout c'est seulement 4 défaites Porte d'Auteuil. C'est tout simplement fou. Rafael Nadal a marqué la terre battue de son histoire et notamment la terre battue parisienne. Cependant, il n'y a pas eu que Rafael Nadal qui a eu le droit à son vibrant hommage. Rafael Nadal est certes le plus grand joueur sur terre battue, mais d'autres joueurs ont accompagné sa carrière et je vais vous parler d'un qui a été longtemps comparé à lui. Cependant, il n'a pas eu la même carrière et la même réussite, c'est Richard Gasquet. Richard Gasquet qui, à 9 ans, a eu le droit à sa couverture de Tennis Magazine. On l'annonçait comme le plus grand et il a remporté le tournoi des Petits As, qui est un peu le championnat du monde des jeunes tennisman, en battant en demi-finale, tenez donc, un certain Rafael Nadal. Cependant, Richard Gasquet n'aura malheureusement pas eu la même carrière, avec des hauts, des bas. Il n'a jamais su gagner de Grand Chelem ni de Master 1000. Ses seuls tournois sont des ATP 250, la première catégorie de tournois que peuvent remporter les coureurs au niveau de l'élite mondiale. Cependant, Richard Gasquet, c'est tout de même 3 demi-finales en Grand Chelem, 2 à Wimbledon et 1 à l'US Open. Et puis, Richard Gasquet, c'est ce magnifique revers à une main. Revers extraordinaire qui restera dans les mémoires. Ses coups de canon, ses coups de fusil, Richard Gasquet a eu donc le droit à son hommage sur le cours Philippe Châtrier après une dernière danse et une victoire face à Terence Hassman au premier tour. Et enfin, ce match contre le numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Un instant vraiment d'émotion avec ses amis, les mousquetaires comme on les appelle, avec Joe Wilfried Tsonga, Gilles Simon et puis Gaël Monfils qui lui ont rendu hommage en vidéo sur ce cours Philippe Châtrier. Un moment d'émotion. Et puis, comment ne pas parler de Richard Gasquet sans parler aussi d'une autre Française, Caroline Garcia, ancienne 4e mondiale, vainqueur du Master de fin d'année et de 2 Master 1000, un à Shanghai et un à Toronto. Caroline Garcia est l'une des plus grandes joueuses françaises de tous les temps. Elle n'aura elle aussi malheureusement pas réussi à gagner de Grand Chelem. Cependant, cela reste une joueuse extraordinaire qui a fait quart de finale en 2017 à Roland-Garros, qui a remporté 2 fois avec sa partenaire de toujours, Kristina Mladenovic, Roland-Garros en double. Une carrière exceptionnelle pour Caroline Garcia. Alors même si tu as souvent eu le poids de la pression derrière ton dos, on te dit merci Caro et on te souhaite le plus grand bonheur pour la suite de ta carrière. Enfin, un dernier hommage a été rendu à une grande, grande légende du tennis français. Et oui, on parle beaucoup des Français, mais c'est Roland-Garros tout de même. C'est Nicolas Mahut. Et oui, Nicolas Mahut, un joueur extraordinaire de simple et de double qui aura, alors pour sa carrière en simple, un peu moins marquante, entre guillemets. Il aura remporté 4 titres tout de même dans sa carrière, ce qui n'est pas rien. Et puis surtout, il aura été l'auteur à Wimbledon du match le plus long enregistré en Grand Chelem avec plus de 11 heures de jeu face à John Isner. Vraiment extraordinaire, qui s'est fini au 5e set à 70-68. Franchement extraordinaire, Nicolas Mahut. Mais On retiendra aussi, surtout, de Nicolas Mahut, son immense carrière de double avec son partenaire de toujours, Pierre Hugerbert. 5 tournois du Grand Chelem, une place de numéro 1 mondial, 2 Roland-Garros, un US Open, un Wimbledon et un Open d'Australie. Nicolas Mahut est tout simplement peut-être le plus grand joueur français de double. Il a réalisé son rêve en remportant 2 fois Roland-Garros. Il avait déjà été en finale avec Édouard Roger Vlassin qui avait malheureusement perdu en 2013 cette finale. Alors monsieur Nicolas Mahut, on te souhaite la plus grande réussite pour ta carrière et merci pour tout. Merci à tous ces joueurs qui nous ont fait vivre des émotions extraordinaires et on leur souhaite la suite, le meilleur pour la suite et on espère que d'autres Français nous feront vivre cette émotion. Pour terminer cette chronique, je vais vous faire écouter la musique Lady Hear Me Tonight de Mojo. Après cette petite chronique sportive sur Roland-Garros, pour notre petit débat de fin d'émission. Eh oui, le débat que notre très cher ami Elio veut nous parler, c'est quoi Elio, dis-moi. C'est quels sont vos endroits préférés dans le Grand Est? Alors, moi je vais être vraiment la nancienne, pure, la place Stanislas, parce que la place Stanislas, on boit des coups, parce que la place Stanislas, c'est chez nous. On aime cette place comme on respire. Moi, j'adore la place Stan, parce qu'elle est magnifique, encore plus avec le soleil. Et voilà, bon, c'était pour commencer. Alors, moi aussi, ça risque d'être un peu évident, mais moi, je dirais évidemment le stade Marcel Picot, parce que c'est là-bas où j'ai vécu énormément de souvenirs en étant enfant. Et là, en plus, cette année, avec la montée, c'était incroyable. Donc, j'espère qu'on en revivra d'autres, encore des moments incroyables dans ce stade. Je m'aurais pas étonné. Et toi, Elio, ton moment préféré, enfin, ton lieu préféré ? Mon lieu préféré dans le Grand Est, bah, moi, écoutez, ça va paraître assez simple, mais c'est ma petite forêt chez moi à Rambervillers où je viens faire souvent des tours de vélo, un peu de VTT, voilà, c'est un peu mes routes d'entraînement entre guillemets, une belle boucle avec des montées descentes, franchement vachement sympa. Donc ouais franchement j'aime beaucoup cet endroit et j'y tiens énormément. Et toi mon Théo ? Le parc Sainte-Marie. Hein, un bon parc pour se reposer, pour étudier, mais plus pour faire la fête, hein, parce qu'étudier on n'aime pas trop. Non, mais le parc Sainte-Marie est très bien. Hein, c'est grand, en plus à côté de Nancy Thermale. Hein, donc c'est sympa. Une petite séance de pub. Même pour courir, c'est un parc sympathique. C'est ça, oui, on peut faire le tour du parc. Ouais. À côté d'Artem, c'est bien. Les oiseaux chantent, c'est bien. Sinon, pour quitter un peu d'Auterre, moi je pense que j'adore aussi Ribeauvillé en Alsace avec son petit marché médiéval qui est très sympa. Avec cette ambiance un peu. Bah, moi j'adore y aller à Noël en fait. Avec belles maisons décorées, le vin chaud. Ah oui, oui. Toute oui, l'ambiance oui. est très sympa. Moi, je suis très accro à ça. Le vin chaud, le jus de pomme chaud, tout ce que exactement. Tu veux. C'est trop, trop bien. Et dernière question. Votre meilleur souvenir de ces vacances, de ce mois d'août, de ce mois de juillet, de tout ça, de cette période estivale? Ben moi, j'ai beaucoup de souvenirs pendant cet été parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas finalement. On s'amuse bien, on profite de nos derniers instants de soleil, mais je dirais que c'était au camping quand j'étais à, du coup je fais de la pub, Sérignan-Plage dans le sud de la France, et j'ai vécu des vacances exceptionnelles comme tous les ans, je m'amuse très bien et c'est vraiment un petit havre de paix, de paradis. Alors moi je dirais que c'est la colonie que j'ai faite donc début août, on organise une grande journée sur les deux semaines et j'ai organisé ça, c'est sur le Seigneur des Anneaux. Et donc, c'est mes films préférés. C'était une journée incroyable. Et j'ai pu passer des bons moments avec mes nouveaux amis, du coup, de la colo. C'est incroyable. Mais vraiment, colonie de vacances, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment incroyable. Et si vous pouvez, allez-y, foncez. Et Elio, les colonies, ça te chante ? Ah oui, j'aime beaucoup. Mais c'est pas ça mon souvenir préféré des vacances. Mon souvenir préféré des vacances, c'est les petites. C'est les magnifiques vacances, bah, justement, que j'ai passées au Sable d'Olonne avec mes amis. Franchement, magnifique. J'ai adoré cet endroit. Magnifique territoire, puis on a bien profité, on s'est bien amusé, on a fait la fête, génial quoi. Et toi mon Théo ? Moi c'est le road trip que j'ai fait en Espagne, et puis après je suis revenu voir mon cousin près d'Avignon, c'était sympathique. Donc un petit road trip familial, amical, il faut respecter le slow travel comme on l'a expliqué dans les précédentes émissions, donc c'est très bien. Et ouais, en tout cas c'est triste, c'est déjà la fin. Et on se quitte pour de vrai. Exactement. Alors moi, je voulais adresser un petit mot à nos auditeurs. J'étais ravie de passer ces un an et demi à vos côtés sur Radio Fadjet. Je suis très nostalgique là, de faire ma dernière émission, je vous avoue, parce que j'ai commencé en tant que chroniqueuse dans Historia. Donc je suis vraiment contente. Et maintenant, je suis rédactrice en chef. Voilà, je le rappelle encore une fois. Mais vraiment, merci beaucoup. Et j'ai été ravie de faire partie de l'aventure. Ouais. On te rend un vibrant hommage, Anaïs. Merci beaucoup merci. D'avoir... donner tant pour Historia et on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci et j'espère que tu reviendras faire un petit coucou de temps en temps. Bien sûr, avec plaisir. Et Louis, merci à toi pour ta participation. Et ben merci aux auditeurs, merci à vous trois. Merci à Daïs de m'avoir contacté pour venir. C'était une super année scolaire et vraiment c'était une super expérience de venir chaque mois faire une petite chronique radio sur des thèmes qui me plaisent. Et vraiment merci, c'était incroyable. Les chroniques de sport vont nous manquer. J'espère. Et merci Elio pour avoir repris les rênes de cette radio, de cette émission Historia. Avec grand plaisir, j'ai hâte de me mettre au boulot, j'ai hâte de produire du bon contenu avec les nouveaux chroniqueurs, vu que bah, ce qui paraît, vous serez plus là l'année prochaine. Donc, malheureusement. Bah, écoutez, en tout cas, ça a été un plaisir de participer avec vous et j'espère que je trouverai des chroniqueurs aussi talentueux que vous, un co-animateur aussi talentueux que Théo. Et voilà, on vous souhaite à tous le meilleur et puis bah. Même si vous êtes irremplaçable. Et je vous souhaite à tous une belle fin de vacances et une belle rentrée. Bonne fin de journée, bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Au revoir. À toi aussi. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous, chers auditeurs.